charbon, non pas des coups. Le chiffre et nos sports contre les anges au compteur. Des massacres, des meurtres, des morts, des innocents coupables à toute heure. Gros, je suis comme je suis, je ne vais pas changer pour les gens. Je vise l'or et pas le bronze, je veux tout ou rien à présent. C'est qui mal pour les héros qui charbonnent en bas des tours. Si tu me fais un coup, parle auprès de moi, mais allez, je la retourne. Veulent nous mettre sur le banc, toucher porte de fourreau. Moi j'étouffe, si je m'applique, c'est pour les coups. Je ne sais pas ce qu'est le coup de foudre. Tant que je vise le sommet, l'équipe est facile de les semer. Les faux sont sonnés, du genre putain, c'est qui quoi ce que mais. À dire que le blé nique l'amitié. Ici y'a plus d'égalité, sont de qualité. Tu prends un gros tête, tu finis de décapiter. Si ça s'intéresse à toi, c'est croyable, tu sens le blé. Le rap, c'est comme une croix qui nuit gravement à ma santé. Marie m'égale au quartier, le bitume, je dois représenter. Dans les yeux des MC, je vois qu'ils sont créés. C'est pour les sommes, tous les héros et tous les frangins. Ceux qui traînent H24, qui dans la poche ont pas un gros. A part la zik, y'a rien qui m'attire. Alors je rappe, alors je rappe, je tombe pas les avertir. Pour les sommes, tous les héros et tous les frangins. Ceux qui traînent H24, qui dans la poche ont pas un gros. A part la zik, y'a rien qui m'attire. Alors je rappe, alors je rappe, tombe pas les avertir. Allergique au faux, j'rappe trop vrai pour ce hip-hop tout. J'attire ta meuf, ta chienne, ta femme ou ton ex-couse. Les guignols mythos racistes, fatigue, faire le lâche c'est facile. J'suis l'amant de la rue à vie, la mort prend des âmes sans préavis. Seul dans mon navire, à la fin j'assiste. Un cœur en roche mais ça m'attriste, on a plus crédit que de débit. Trop précis à la Messi, ça baisse tout même si t'es moche. Et si tu t'appelles Justine, anti-juge et képi. N'a le bout, la justice, dans le coffre de plissier. Un jour tu balances au flic, même si n'en faut pas que tu flippes. J'ai pas besoin de ton smic, mais le son à fond de la hi-fi. Les jaloux se suicident, genre dans le tournoi les MC se blessent. Sous ce disqualifie, tu fais l'over mais t'es cocu. Espèce de petit imbécile, mon son vise ghetto et désir. Le sommet de la réussite, la cible par des suspects. C'est qui mal j'assassine sur le beat par des soucis. C'est pour les sommes, tous les héros et tous les frangins. Ceux qui traînent H24 qui dans la poche ont pas un gros. A part la zik, y'a rien qui m'attire. Alors je rappe, alors je râle, donc va les avertir. C'est pour les sommes, tous les héros et tous les frangins. Ceux qui traînent H24 qui dans la poche ont pas un gros. A part la zik, y'a rien qui m'attire. Alors je rappe, tout va les affaires, tire.